Le 9 décembre, rassemblement hip-hop sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Du graff, ramène tes bombes. 2 heures d'open mic, ramène tes textes. Du beatbox, du breakdance, du DJing, des concerts de rap. Avec l'inconsolable, Scalpel, Gonzo Schizo, l'excité de LC Connexion, HPS, Anonyme, Stika. Et on finira avec un DJ set, DJ Kiaz. Restauration et bar sur place, entrée à prix libre, où tu peux aussi la jouer au dé. Le 9 décembre, rassemblement hip-hop sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouverture des portes à 14h.